Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 13 mai 2022. Voici les grands titres de cette édition. La présidence de la République attend les propositions concrètes de la commission Vérité et Réconciliation à la fin de sa mission pour qu'elle s'exprime là-dessus. Vous entendrez le numéro 1 burundais. Et plus de 100 vaches ont avorté durant les 4 dernières semaines en Provence Ngozi. La cause reste toujours inconnue. Et la commune de Moussongati sera alimentée en eau potable avant la fin de cette année et sera aussi électrifiée comme toutes les autres communes du pays d'ici 2024. Promesse faite par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, en visite hier dans cette commune de la province de Rutana. Et dans la chronique environnement, on en saura davantage sur la structure du sol. Ce sera avec le professeur Salvatore Kawoneka. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, la commune de Moussongati sera alimentée en eau potable avant la fin de cette année. Promesse faite par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, lors d'une séance de moralisation animée ce jeudi. Cette annonce du président vient en réponse aux lamentations des populations de certaines collines de cette commune qui boivent des eaux des rivières et ruisseaux. Le président burundais, qui était en visite en commune Moussongati hier, fait savoir aussi que cette commune, comme toutes les autres communes burundaises non encore électrifiées, auront de l'électricité avant 2024. De Rutana, Venuste Niramhaga. La séance de molarisation animée ce jeudi par le président de la République burundais s'est déroulée en commune Moussongati de la province Rutana. Cette séance a été l'occasion pour le président de la République de répondre aux différentes questions de la population de Rutana. Répondant à la question liée à la pénurie de l'eau et de l'électricité en commune Moussongati, question posée par Sœur Consolate Niyibima de la congrégation des Sœurs Carmélites de l'Enfant Jésus et médecin à l'hôpital Saint-Joseph de Moussongati, le président de la République a fait savoir qu'il n'y a pas de développement possible sans l'eau et l'électricité. Le président de la République promet que la commune Moussongati sera alimentée en eau avant la fin de cette année. Le chef suprême assure que toutes les collines burundaises seront alimentées en eau potable avant fin 2025. Côté électricité, le numéro 1 burundais fait savoir que la commune Moussongati est en tête de liste des communes qui recevront de l'électricité. Cette autorité garantit que toutes les communes burundaises seront alimentées en électricité avant fin 2024. Cette réponse du président burundais intervient alors que la commune Moussongati fait face à la pénurie accrue de l'eau. Certaines des populations des collines telles que Buhinga, Maganahe, Giheta et Runyoni boivent encore des eaux, des rivières et des ruisseaux. Depuis Moussongati en province de Rutana, Veniste Ntiramhaga, Radio Isanganiro. Merci Veniste. Plus de 100 vaches ont avorté durant les 4 dernières semaines en province Ngozi. Le bureau provincial en charge de l'élevage dit ne pas être au courant de la maladie provoquant ces avortements. Certains spécialistes en santé animale craignent une maladie non encore connue qui tue bon nombre de ces vaches ces jours en Ngozi. Une maladie qui cause une importante fièvre à ces bêtes. Apollinaire Muzagara. La province Ngozi a déjà enregistré 117 vaches qui ont avorté dans un délai ne dépassant pas M. Comme l'indiquent certains vétérinaires communaux, ces vaches affichent une fièvre très élevée avant d'avorter. Certaines même de ces dernières meurent après suite à l'hémorragie. Le responsable de la santé animale en province Ngozi ne veut pas en dire beaucoup. Priva Marikugayo dit seulement qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant la cause de ces avortements. Certains experts en santé animale pensent que ces avortements seraient dus à une maladie très mortelle qui a déjà emporté une trentaine de vaches dans cette province. Une maladie qui, après une forte fièvre, laisse couler du sang dans les narines de la vache. Cette maladie serait, d'après ces spécialistes en santé animale, la fièvre de la varée du lift, une maladie, selon eux, qui a un vaccin. Les éleveurs de cette province demandent aux autorités habilitées plus d'efforts pour sauver le cheptel bovin encore en vie. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et les pots de vin exigés par certains chefs collinaires pour servir la population sont devenus monnaie courante sur certaines collines de la province de Bururi, selon certaines victimes. Et cela a été dit ce jeudi à Bururi au cours d'une réunion de service organisée par le cabinet du gouverneur de cette province à l'intention des chefs de service. Le colonel Leonidas Seban Denzamasso, gouverneur de Bururi, demande à tous les administrateurs communaux de suivre de près la gouvernance de ces élus collinaires, les punir et en cas de besoin, les destituer de leurs fonctions. Zenon Zambimana. Selon certains de la population de la province de Bururi, le paiement d'une somme d'argent pour l'achat des bidons des produits locaux ou des caisses des produits de la Bralodie est déjà pris comme une obligation pour bénéficier d'un service de certains des élus collinaires dans la province de Bururi. Certains de ces élus collinaires exigent même un pot de vin pour délivrer les procès-verbaux ou d'autres documents sollicités par la population. Cela s'observe dans toutes les communes de la province de Bururi. Comme l'ont précisé ce jeudi, tous les administrateurs communaux, c'était au cours d'une réunion de service organisée au chef de la province de Bururi par le cabinet du gouverneur de cette province à l'intention des chefs de service déconcentrés. Colonel Dasiban Desamaso déplore tous ces cas de corruption chez certains des élus collinaires qui exigent l'achat des caisses des produits de la Bralodie à la population, dont ceux qui ne sont même pas capables de s'en acheter une bouteille. Il déplore également le fait que certains de ces élus collinaires se sont arrogés le droit d'infliger également des amendes à la population. Colonel Dasiban Desamaso fait savoir que tous ces cas doivent être découragés. Cette autorité administrative demande à tous les administrateurs communaux de suivre de près la gouvernance de certains de ces élus collinaires, de mener des enquêtes approfondies pour punir les coupables et, au cas échéant, de destituer ces élus collinaires qui affichent de tels comportements. Depuis Bururi, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Zambimana. Et en international, avant la chronique environnement et l'avis du président de la République sur les conclusions de la CVR. Le chef d'état-major de l'armée malienne a achevé sa visite à Kigali au Rwanda. Le général Oumar Diarra a notamment rencontré le chef de l'État Paul Kagame ainsi que plusieurs responsables militaires, y compris le chef d'état-major du Rwanda Jean Bosco Kazura, qui connaît bien le Mali. Il a en effet été le commandant de la MINUSMA, la mission de paix de l'ONU au Mali, entre 2013 et 2014. L'objectif de cette visite était de renforcer la coopération des deux pays en matière de défense et de sécurité. Avec le départ des forces militaires européennes, notamment des soldats français de l'opération Barkhane, Bamako souhaiterait gagner en autonomie pour défendre son territoire. Ici, le Mali a décidé de se tourner vers le Rwanda, estiment nos confrères d'Africa News. C'est surtout pour la réputation de son armée, Kigali étant l'un des grands contributeurs aux missions de maintien de la paix des casques bleus de l'ONU. Et Shirin Abu Akleh, la journaliste d'Al Jazeera tuée mercredi d'une balle dans la tête lors d'une opération militaire israélienne à Jenin, en Cisjordanie occupée, doit être enterrée ce vendredi à Jérusalem après des funérailles dans une église. Sa mort a provoqué une vive émotion à travers le monde. L'annonce de son décès a suscité une vive émotion dans les territoires palestiniens et dans le monde arabe, où ses reportages ont été suivis pendant plus de deux décennies, ainsi qu'en Europe et aux États-Unis. Plusieurs rassemblements spontanés ont eu lieu dans les territoires palestiniens pour protester contre sa mort et une rue de Ramallah va être rebaptisée à son nom. Et en Somalie, 39 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle de ce dimanche. Ce nombre élevé de candidats s'explique en partie par le caractère tribal du système électoral somalien basé sur l'équilibre entre les clans et les clans. Il s'agit d'un scrutin indirect et c'est aux députés et sénateurs donc qu'il revient de choisir le futur chef de l'État. Ce vote était très attendu. Il aurait dû se tenir il y a 15 mois, mais a été maintes fois repoussé sur fond de crise politique. Et jamais un scrutin présidentiel en Somalie n'aura suscité autant de candidatures. Le président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo est candidat à sa réélection malgré la grave crise politique que traverse le pays et alors que son premier mandat est officiellement expiré depuis plus d'un an. Radio Isanganiro, chronique environnement. Et comme annoncé dans les titres, nous retrouvons les éclairages du professeur Salvatore Kawoneka qui nous dit que le sol est composé par deux parties, une partie minérale et une autre organique. Il indique que la partie organique entretient à la fois le sol et les plantes. Ce professeur dit que la grande partie du sol burundais est compacte, ce qui ne facilite pas sa respiration. Il l'a dit à Charles Makoto. Le sol a une structure organo-minérale qui héberge la plupart des racines des plantes nous dit le chercheur et professeur d'université Salvatore Caboneca. Le sol tel que créé, il est organo-minéral. Enfin, il a une composante organique et une composante minérale. C'est un hybride. Les deux composantes sont complémentaires, si vous voulez. Le parti minéral libère facilement les éléments nutritifs à la plante. À côté de l'alimentation des plantes, la partie organique permet également l'entretien du sol, comme l'affirme le chercheur Caboneca. La partie organique libère lentement les éléments nutritifs, mais a des propriétés énormes sur le plan propriété, en termes de porosité, de dynamique de l'eau dans le sol, de dynamique de l'air dans le sol pour les micro-organismes, ce qui permet une plus grande perméabilité des sols, ce qui permet une plus grande rétention de l'eau, parce que le matériau organique a une qualité hydrophile de rétention de l'eau. Le sol burundais est en grande partie compact, dit le professeur Salvatore Caboneca, avec des répercussions sur la perméabilité du sol. Dans la prochaine chronique, le professeur Caboneca nous parlera des mécanismes pour pallier aux défis liés à la salinisation du sol. Merci Charles Makoto. On revient maintenant sur la présidente de la République qui ne peut pas s'exprimer sur chaque rapport de la commission Vérité et Réconciliation CVR. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le chef de l'État mardi lors d'une conférence de presse. Selon le numéro en burundais, la CVR a une mission. Au terme de la dite mission, avec des propositions concrètes, la haute autorité du pays pourra donner sa position. En justice transitionnelle, il y en a qui reviendraient sur la qualification des événements de 1972 par la CVR comme un génocide contre les Hutus. Certains demandent à l'État de s'exprimer, d'autres non. Mais l'État veut une justice entre les Burundais. Il y a des procès que l'on peut ignorer parce que ça peut dégénérer. Je voudrais vous dire que la CVR n'a pas encore terminé ses enquêtes. Elle n'a pas encore su la vérité. Bref, elle n'a pas achevé sa mission. Alors, allons-nous parler sur chaque sortie des rapports? Non. Leur mission est déterminée par une loi. Dès que la CVR termine et après avoir montré tout ce qui doit être fait, là, alors, la présidence de la République recevra son rapport, l'analysera et saura quoi faire avec. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible de s'exprimer sur chaque rapport. Ça peut créer des problèmes. Par exemple, je leur ai demandé pourquoi la CVR a pris comme référence 1972, sur quels critères, puisqu'il y en a qui disent que c'est l'intention de nuire. Ils ont répondu par la négative. Ils ont expliqué qu'avant 72, il y aurait plus de témoins. J'apprécie quand même ce qu'ils ont dit, vu que des auteurs ont accepté leurs faits et gestes. Voir que des gens témoignent, c'est une très bonne chose. Ainsi, les jeunes générations sauront qu'il ne faut plus jamais une situation pareille. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, est traduit par Aaron Ouineza. Et c'est la fin de ce journal. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Vous venez de l'entendre, le numéro en burundais vient de le dire. La présidence de la République attend les propositions concrètes de la commission Vérité et Réconciliation à la fin de sa mission pour qu'elle s'exprime là-dessus. Et plus de 100 vaches ont avorté durant les 4 dernières semaines en province Ngozi. La cause est restant toujours inconnue pour l'instant. Et la commune de Musongati sera alimentée en eau potable avant la fin de cette année, sera aussi électrifié comme toutes les autres communes du pays d'ici 2024. Promesse faite par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, qui était en visite hier dans cette commune de la province de Rutana, où il fait 13h09, comme à Bujumbura. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Innocent Ubonimana. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.